39e chapitre. Comment furent tués Gunther et Hagen et Kriemhild. Le seigneur Dietrich prit lui-même son armure, et le vieux Hildebrand l'aida à s'en revêtir. Comme il gémissait, cet homme fort, tout le palais retentissait de sa voix. Mais bientôt il reprit son courage de héros. Animé par la colère, le bon guerrier s'arma. Puis bientôt ils partirent, lui et maître Hildebrand. Alors Hagen de Trondheim dit « Je vois venir le seigneur Dietrich. Il veut nous combattre à cause des grands malheurs qui lui sont arrivés. On pourra décider aujourd'hui lequel est le plus vaillant. Oui, quand même le chef de Vérone serait encore plus fort et plus terrible, s'il veut se venger sur nous de ses pertes, j'oserais rudement lui tenir tête. » Ainsi parla Hagen. Dietrich et Hildebrand entendirent ces paroles. Le chef alla trouver les deux guerriers qui se tenaient hors de la salle, appuyés contre le mur du bâtiment. Le seigneur Dietrich déposa à terre son bon bouclier. Plein de douleur et de soucis, Dietrich prit la parole. « Pourquoi avez-vous agi ainsi, Gunther, roi puissant, contre moi exilé? Que vous avais-je fait? Privé de toute consolation, maintenant je reste seul. Il ne vous a pas semblé suffisant, en cette cruelle extrémité, de frapper à mort Rudiger, le héros. Vous m'avez maintenant enlevé tous mes hommes. Guerrier, je ne vous avais pas fait, moi, subir de pareilles infortunes. En pensant à vous-même et à votre affliction, à la mort de vos amis et à vos rudes combats, ô héros superbe, votre âme n'est-elle pas accablée? Hélas, que la mort de Rudiger me fait de peine. Non, nul homme au monde n'éprouva plus de malheur. Vous n'avez guère pensé à ma désolation et à la vôtre. Tous mes amis sont là, gisants, tués par vous. Jamais je ne pourrai pleurer assez la mort de mes parents. « Nous ne sommes point si coupables, » répondit Hagen. « Vos guerriers sont venus vers ce palais en bandes nombreuses et armés avec le plus grand soin. Il me semble qu'on ne vous a pas conté les faits avec exactitude. Que dois-je donc croire? Hildebrand m'a dit que mes hommes de l'Amelungenland vous ont demandé de leur remettre, en dehors de cette salle, le corps de Rudiger et que vous n'avez répondu à mes guerriers que par des moqueries. » Le souverain du Rhin parla. « Il prétendait emporter d'ici le corps de Rudiger. Je le fis refuser par haine contre Hetzel, non par inimitié contre les vôtres, jusqu'à ce que Wolfhard se mît à nous injurier. » Le héros de Vérone répondit. « Il devait en être ainsi. Gunther, noble roi, au nom de tes vertus, répare les maux que tu m'as faits et compose avec moi sur le dommage, afin que je puisse te le pardonner. Rends-toi prisonnier avec ton homme Lige, et je te protégerai ici chez les Yunen, en sorte que nul ne vous offensera, et vous ne trouverez en moi que fidélité et bienveillance. Le Dieu du ciel ne peut permettre, dit Hagen, que se rendent à toi deux guerriers qui, bien armés, peuvent se défendre si vaillamment et qui marchent encore libres et fiers en face de leurs ennemis. Hagen et Gunther, il ne faut pas repousser ma demande. À vous deux, vous avez tellement affligé mon âme que vous agirez équitablement en accordant une compensation à mes maux. Je vous donne ma foi, et ma main répond de ma sincérité, que je chevaucherai avec vous jusqu'en votre pays. Je vous reconduirai avec honneur, où je souffrirai la mort, et pour vous, j'oublierai ma profonde douleur. Renoncez à votre demande, reprit Hagen. Il ne nous convient pas qu'on dise jamais de nous que deux si vaillants hommes se soient rendus, car auprès de vous on ne voit personne que le seul Hildebrand. » Maître Hildebrand prit la parole. « Dieu sait, seigneur Hagen, que cette paix que mon chef offre de conclure avec vous, le moment viendra où vous la désirerez en vain. Vous devriez accepter avec empressement la composition dont il se contente. »« Oui, j'accepterai cette composition, » dit Hagen, « plutôt que de fuir honteusement le champ du combat, ainsi que vous l'avez fait, maître Hildebrand. Sur ma foi, je pensais que vous saviez mieux tenir tête à l'ennemi. » Hildebrand répondit. « Pourquoi m'adresser ce reproche? Qui donc était assis sur son bouclier au Wasgenstein, tandis que Walter d'Espagne lui tuait un grand nombre de ses parents? Il y a assez à dire sur votre propre compte à vous. » Hildebrand fait allusion à un combat entre Walter d'Aquitaine et les rois burgondes. Cet épisode de la tradition épique nous a été conservé dans un poème latin intitulé « Valtarius Manufortis », qui fut composé en l'an 920 par Eckhart, abbé de Saint-Gall. Voir l'édition de Grimm, Göttingen, 1838. Le seigneur Dietrich parla. « Il ne convient pas à des héros de s'adresser ainsi des injures comme font les vieilles femmes. Je vous défends, maître Hildebrandt, d'en dire davantage. Une assez grande douleur m'afflige, moi, guerrier exilé. »« Maintenant, ajouta Dietrich, répétez-moi, Weyenhagen, ce que vous vous disiez entre vous, ô guerrier rapide, au moment où vous m'avez vu me diriger armé vers vous. Vous affirmiez que vous vouliez seul me tenir tête dans un combat. » « Nul ne vous le niera, » répondit le vaillant Hagen. « Oui, je veux tenter la lutte avec des coups terribles, à moins que ne se brise en mes mains la bonne épée des Nibelungen. Je suis indigné de ce que l'on ait osé nous réclamer comme prisonniers. » Quand Dietrich connut l'humeur farouche de Hagen, il brandit aussitôt son bouclier, ce bon et rapide guerrier. Avec quelle promptitude Hagen s'élança des degrés au-devant de lui. La bonne épée de Nibelungen retentit avec fracas sur Dietrich. Le seigneur Dietrich savait bien que cet homme audacieux était d'humeur féroce. Aussi le prince de Vérone se défendit-il avec adresse des coups terribles qui lui étaient destinés. Il connaissait bien Hagen, ce héros superbe. Il craignait aussi Balmung, cette arme terrible. Cependant Dietrich rendit des coups bien dirigés, jusqu'à ce qu'enfin il vainquit Hagen, en lui faisant une blessure longue et profonde. Le seigneur Dietrich se dit « Te voilà donc en péril !» Mais j'aurai peu d'honneur à te tuer maintenant. Je vais essayer si je puis m'emparer de toi et te faire prisonnier. » Et c'est ce qu'il fit avec précaution. Il laissa tomber son bouclier. Sa force était grande. Il saisit dans ses bras Hagen de Trondheim, et ainsi il parvint à dompter l'homme hardi. À cette vue, le roi Gunther se prit à gémir. Dietrich lia Hagen, le conduisit à Kriemhild et remit entre ses mains le plus vaillant guerrier qui jamais porta l'épée. Après de si amères souffrances, la joie de la reine fut vive. De plaisir, elle s'inclina devant le noble prince. « Sois toujours heureux en ton corps et en ton âme. Tu me consoles grandement dans ma détresse. Je serai toujours prête à t'obliger. » Le seigneur Dietrich prit la parole. « Il faut le laisser vivre, noble reine, et il se peut qu'un jour il répare tout le mal qu'il vous a fait. Il ne faut point qu'il pâtisse de ce que je voulais livrer les mains liées. » Elle fit amener Hagen pour son malheur dans une prison où nul ne put voir le prisonnier enfermé. Gunther, le noble roi, se prit à crier. « Où donc est allé le héros de Vérone? Il m'a rudement affligé. » Le seigneur Dietrich alla à sa rencontre. La force de Gunther était vraiment digne de louange. Il n'attendit pas plus longtemps. Il se précipita hors de la salle. Un grand fracas se fit au choc de leurs deux épées. Quoique la valeur du seigneur Dietrich fût opprisée depuis longtemps, Gunther était tellement animé par la colère et le ressentiment, et ses longues souffrances l'avaient si fortement irrité contre son adversaire, que ce fut merveille que le seigneur Dietrich en réchappât. Le courage et la force de tous deux étaient grands. Le palais et les tours retentirent des coups qu'ils assénaient sur leurs bons casques avec leurs terribles épées. Vraiment, le roi Gunther avait un noble courage. Pourtant, le prince de Vérone le vainquit, ainsi qu'il avait vaincu Hagen. On voyait couler le sang à travers la cotte de maille, par suite d'un coup de la puissante épée que portait le seigneur Dietrich. Pourtant, après tant de fatigues, l'illustre Gunther s'était glorieusement défendu. Ce chef fut lié par la main de Dietrich d'un nœud si fort que jamais roi n'en subira plus de pareil. Il craignait que, s'il l'eût laissé libre le roi et son homme Lige, ils n'eussent tué tous ceux qu'ils auraient rencontrés. Dietrich de Vérone le prit par la main et le mena garrotter devant Kriemhild. Elle s'écria « Soyez le bienvenu Gunther, vous, le héros du pays Burgonde. Que Dieu vous récompense, Kriemhild, si vous m'adressez ces paroles avec sincérité, » dit Gunther. « Je m'inclinerai devant vous, ô ma sœur très chérie, si vos salutations étaient faites par affection. Mais je sais, reine, que vous êtes de si sanguinaire humeur que vous ne ferez à Hagen et à moi que de très funestes saluts. » Le héros de Vérone prit la parole. « Femme du très noble roi, jamais prisonnier ne furent aussi bon chevalier que ceux que je vous ai remis aujourd'hui, ô illustre dame. Maintenant, par égard pour moi, vous ménagerez ces étrangers. » Elle répondit qu'elle le ferait volontiers. Alors, les yeux en pleurs, le seigneur Dietrich s'éloigna de ses glorieux héros. Elle se vengea épouvantablement, la femme d'Etzel. Elle enleva la vie à ses deux guerriers d'élite. Pour les tourmenter, elle les fit enfermer séparément. Et depuis lors, ils ne se revirent plus, jusqu'au moment où elle porta à Hagen la tête de son frère. La vengeance que Kriemhild exerça sur ces deux guerriers fut vraiment complète. La reine alla trouver Hagen et parla avec elle aux guerriers. « Si vous voulez me rendre ce que vous m'avez pris, vous pourrez encore retourner au pays Burgonde. » Le farouche Hagen répondit, « Ta prière est superflue, très noble reine, car j'ai juré de ne jamais révéler l'endroit où se trouve caché le trésor tant que vivrait l'un de mes maîtres. De cette façon, il ne tombera au pouvoir de personne. » Il savait bien qu'elle le ferait mourir, quelle plus grande déloyauté fût jamais. Il craignait qu'après lui avoir pris la vie, elle ne laissât retourner son frère en son pays. « Je pousserai les choses à bout, » dit la noble femme, et elle ordonna de tuer son frère. On lui coupa la tête. Elle la porta par les cheveux devant le héros de Trondheim. Ce fut pour lui une peine affreuse. Quand le guerrier vit la tête de son maître, il dit à Kriemhild, « Enfin, tu es arrivé au but de tes désirs, et tout s'est passé ainsi que je l'avais prévu. » Maintenant le noble roi est mort, et aussi Giselher le jeune et Gernot. Nul ne sait, hors Dieu et moi, où se trouve le trésor. Femme de l'enfer, il te sera caché à jamais. » Elle dit, « Tu as mal réparé le mal que tu m'as fait, mais je veux conserver l'épée de Siegfried. Il la portait, mon doux bien-aimé, la dernière fois que je le vis, et de sa perte mon cœur a souffert plus que de tous mes autres maux. » Elle tira l'épée du fourreau sans qu'il pût l'empêcher. Elle voulait enlever la vie au guerrier et, la soulevant des deux mains, lui abattit la tête. Le roi Etzel le vit et en fut profondément affligé. « Malheur !» s'écria le roi. « Comment a été tué par les mains d'une femme, le plus vaillant héros qui jamais s'élança dans la bataille ou qui porta un bouclier? Quelle inimitié que j'eusse contre lui! J'en suis vraiment affligé !» Alors le vieux Hildebrand parla. Elle ne jouira pas du plaisir d'avoir osé le tuer. Quoi qu'il ait pu me faire, et bien qu'il m'ait mis en un pressant danger, je veux pourtant venger la mort du vaillant chef de Trondheim. » Le vieux Hildebrand bondit vers Kriemhild et lui donna un terrible coup d'épée. La fureur d'Hildebrand porta malheur à la reine. À quoi pouvaient lui servir ces cris lamentables? De toutes parts, des cadavres couvraient la terre, et la noble femme gisait là presque coupée en deux. Dietrich et Etzel se prirent à verser des larmes. Ils pleuraient amèrement leurs parents et leurs hommes. Tant de gloire et d'honneur avaient péri. Tous les peuples étaient dans l'affliction et le désespoir. La fête du roi se termina d'une façon sanglante, car souvent l'amour finit par produire le malheur. Je ne puis vous raconter ce qui arriva depuis, si ce n'est qu'on voyait chevaliers, femmes et nobles varlets pleurer la mort de ceux qu'ils avaient aimés. Ici prend fin ce récit, c'est la détresse des Nibelungen.